Chapitre 36, page 243, exercice 4. 1. Je sais très bien ce qui m'attend. Les enfants vont être malades et je vais devoir rester à la maison. 2. Ce contrat ne sera jamais signé. Il est tout le temps remis à une date ultérieure. Je n'y crois plus. 3. Ah, enfin te voilà. La réunion est presque finie, mais tu peux toujours donner ton avis pendant les quelques minutes qui restent. 4. Lionel est pénible. Il est toujours en train d'annoncer des catastrophes. On l'écoute et on a tout de suite le moral à zéro. 5. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a aucune vision à long terme. Les dirigeants ne voient que le futur immédiat, sans imaginer les conséquences.